Viens, mon poussin, viens valser avec papa. Viens, mon poussin chéri, viens dans mes bras. Viens apprendre à valser avec papa. Profitons-en, maman n'est pas là. Viens, ma chérie, tourner avec moi. Un, deux, trois, hop, voilà. Un, deux, trois, hop, comme ça. Maman aussi aimait cette air-là. Lorsque nous valsions tous les deux autrefois. Bien mon trésor. Allez, encore une fois, là, voilà. Un, deux, trois, hop. Un, deux, trois, hop. Plus haut. Et bah, le son, on s'amuse bien. Hein. Oh, tu es belle, mon chéri. Viens pour te reposer, viens dans mes bras. La valse t'a bercé, n'arrêtons pas. Bientôt, chérie, tu t'endormiras, tout en dansant contre ton papa. Un, deux, trois, doucement. Un, deux, trois, oh mon enfant. Tu dors et je peux te dire tout bas que la plus jolie, la plus belle, c'est toi. La plus jolie, la plus belle, c'est toi.